Alors, depuis l'aube, Ode au clitoris, c'est donc une pièce en trois tableaux, écrite pour trois acteurs. Le premier tableau, il traite du thème du harcèlement de rue. Le deuxième tableau, on va plus toucher aux agressions sexuelles et voire même au viol. C'est vraiment la partie aussi centrale quelque part du spectacle et aussi la plus grave. Et le troisième tableau, on tente de dénouer les tabous liés à la sexualité féminine, mais pas que, aussi masculine. En 2013, je suis tombée sur un reportage d'une jeune femme belge nommée Sophie Peters. Et en fait, Sophie Peters décide de cacher une caméra dans son sac l'espace d'une journée où elle se rend, où elle, voilà, dans tout Bruxelles, elle se balade dans tout Bruxelles. Les images de cette journée, en fait, on découvre la manière dont elle se fait insulter, dont elle se fait siffler, dont elle se fait regarder dans la rue. T'es bonne. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui arrivent et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est fou parce que toutes les femmes vivent ça. Moi, je vis ça, mes copines vivent ça. Et donc, j'en ai parlé, ce reportage m'a tellement marquée. Et en fait, chaque femme a une expérience à raconter en ce domaine. Chaque femme connaît la rue. Et je me suis dit, mais en acceptant ça, quelque part, c'est comme si on les laissait gagner. Et là, je me suis dit que c'était urgent, nécessaire de prendre la parole parce que c'est des situations qui nous concernent toutes. Effectivement, il y a dans le spectacle une chanson qui est composée. Les paroles de cette chanson sont des insultes que j'entends dans la rue, que mes copines entendent dans la rue. Et donc, cette chanson a un pouvoir, sans tout vous dévoiler, mais cette chanson a un pouvoir assez comique, quand même, il faut le dire, puisqu'on chante, on danse sur des insultes. Ce décalage, il est nécessaire. En fait, il me semble que le fond du spectacle en soi n'est pas très drôle. Voilà, j'ai voulu toucher à des sujets qui sont assez violents. Enfin, les insultes que les femmes vivent et subissent dans la rue, c'est quelque chose qui n'est pas drôle en soi. C'est quelque chose qui est assez cru, qui est aussi très, très violent. Et j'avais le sentiment que pour rendre audible cette chose insupportable, il fallait absolument de l'humour. Et c'est vrai que ça a été aussi ma volonté d'intégrer des hommes avec moi au plateau pour défendre cette parole. Parce que par exemple, si c'est Lionel, c'est un homme qui porte une parole de femme ou qui porte un témoignage d'une jeune femme qui se fait agresser dans le métro, ça n'a pas du tout la même portée, c'est pas du tout reçu de la même manière par le spectateur que si c'est moi, Pauline, femme, et donc j'apparais plutôt victime, et je ne voulais pas donner la place de victime aux femmes dans ce spectacle. Voilà, j'avais l'impression que ce décalage était vraiment nécessaire pour que le spectateur puisse entendre tout ce que j'avais à dire. J'ai le sentiment que soit j'étais très en colère d'avouer que je me fais aussi traiter de salope dans la rue, ou soit je le prenais par la voie de l'humour, parce qu'en fait je trouve ça tellement absurde. C'est vrai que dans le spectacle je reviens sur l'origine des mots, sur l'étymologie des mots. Et en fait quand on y pense, traiter une femme de conne ou de salope, c'est absurde. Quand on revient sur le sens des mots salope, par exemple, ça vient de sale huppe, et la huppe c'était un petit oiseau réputé pour sa saleté. Donc en vrai quand on traite une femme de salope dans la rue, c'est comme si on l'insultait de petit oiseau sale. Bon, c'est assez absurde. Et pour moi, d'en faire une chanson, quelque part, c'était aussi absurde que les insultes que j'entends dans la rue. Des retours qu'on a pu me faire, oui, ton texte est un peu cru, ton texte est quand même assez osé. Non, je ne suis pas d'accord. Pourtant, je suis quelqu'un qui me remet en question, mais je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi je minimiserais la violence de la rue, de la réalité, de ce que vivent les femmes au quotidien, parce qu'il y en a dans une salle qui se disent que c'est insupportable d'entendre ça. C'est insupportable de l'entendre, mais quand on est toute seule, le soir, dans la rue, qu'on rentre chez soi et qu'on se fait traiter de pute, je peux vous dire que ça, c'est insupportable. J'ai croisé à Avignon des spectatrices qui me prenaient dans leurs bras après ou quelques jours après que je croisais dans la rue en me disant merci, ça m'a donné envie de partir à la découverte de mon propre corps. Bon, bah, c'est merveilleux. Moi, je retiens ça. J'ai reçu des témoignages sur Messenger par dizaines. Enfin, vraiment, j'ai reçu des lettres de lycéens, de lycéennes me disant merci d'oser nommer les choses, d'oser dire les choses, enfin, sur un plateau de théâtre. Voilà, de pas cacher, de pas vouloir minimiser quelque chose, de pas vouloir voiler une réalité parce qu'à un moment, elle est trop violente. Je parle d'excision aussi dans mon spectacle. Enfin, c'est comme si à un moment on n'avait pas le droit de parler de ça. Il y a des femmes qui le vivent chaque année. Il y a 4 millions de filles, de fillettes chaque année qui se font exciser dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Donc je pense que nous, c'est notre devoir d'entendre ça et d'en faire quelque chose.